t'as plus de 17 ans et que t'as pas 36 enfants. T'as raté ta vie mon grand. C'est pas moi qui le dis, c'est Zermine. Faut rattraper les négros. Va vite te trouver une go. Et quand il foutra ta pine, tu penseras fort à Zermine. Tu viens d'avoir le brevet et t'as toujours pas de minot. T'as raté ta vie blanco. C'est pas moi qui le dis, c'est Zermine. On se dépêche, on trouve un trou. 3 sur 10, ouais, soyons fous. Puis quand il foutra ta pine, tu penseras fort à Zermine. Et Jacques Précoce, on s'en fout. Monte les stats et puis c'est tout. Vite passe la corde à ton cou. C'est pas moi qui le dis, c'est Zermine. Une douce qui bouge, ça sera cool. De rattraper les gougnoules. Puis quand il trempera ta pine, tu penseras fort à Zermine. Sans merde, tu mérites pas de toucher le RSA, ni d'aller à Disneyland. C'est pas moi qui le dis, c'est Zermine. La vie sans homme, c'est pas beau. Pas plus grande joie qu'un marmot. Et quand il foutra ta pine, tu penseras fort à Zermine. T'écoutes nettoyage merdique. C'est pas grave, pense à l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est Zermine. Demande à Conversano d'apprendre des blagues de Toto pour 149 euros et manger 50 râteaux. Si t'as jamais torché de cul, ta vie vaut pas d'être vécu. Pas bien grave de se faire cocu. C'est pas moi qui le dis, c'est Zermine. L'important c'est de le vouloir. Au pire, fais-te les mouchoirs. Et quand il foutra ta pine, tu penseras fort à Zermine. Quitte Twitter, tu perds ton temps. Sors ta tête, fais des enfants. Unfollow tous les profils, sauf bien sûr celui de Zermine. Quand un droitard fait un chien, ça mérite un jour férié. Le tronçon tétanisé, plus qu'un blanc fait un pupu. Tu peux m'envoyer des photos de ta fille. J'aime diffuser des photos de bébés pour encourager les gens à faire leur boulot dans la joie et le. Foutant les yeux. Bon, bébé, non. Okay. Bah, non mais si tu veux, je les fous, Mais avant 6 mois, tu peux m'envoyer des photos de bébé. Hein. Bébé. Ouais, moi c'est les enfants européens, c'est vraiment mon style quoi. C'est il y a un fumet, il y a quelque chose, tu vois, c'est